Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Unité de structure des espèces animales, identité des types. Darwin a méconnu le plan de la création, Newton l'esquisse, Buffon fait une peinture admirable, un seul mot à rectifier, le plan du créateur ne se déforme jamais, son unité reste toujours la même, un axiome scientifique. Darwin le remplace par une énormité, difficulté de prouver ce qui n'a pas besoin de preuves. Ce qui a dû causer l'erreur de Darwin et l'a mené à poser en loi, comme point de départ de son système, cette grosse hérésie que tous les êtres vivants proviennent d'un géniteur commun, dont il serait la subdivision, j'allais dire la menu monnaie, c'est qu'effectivement ils offrent tous, dans leur structure anatomique comme dans le jeu de leurs fonctions, certaines identités de type qui dénotent, de la part du Créateur, une parfaite unité de plan. Ainsi le bras de l'homme, la patte antérieure de l'animal, l'aile de l'oiseau et la nageoire pectorale du poisson, ne sont, à vrai dire, que le même membre accommodé, dès l'origine, aux usages qu'il était dans sa destinée d'accomplir. La nature marche ainsi par des gradations inconnues, elle passe d'une espèce à une autre espèce et souvent d'un genre à un autre genre, par des nuances imperceptibles, mais sans jamais s'écarter entièrement de son plan primitif, et surtout sans jamais rien confondre. Newton est un des premiers qui ait signalé cette uniformité de structure dans le corps des animaux. En général, dit-il, les animaux ont deux côtés, l'un droit et l'autre gauche, formés de la même manière, et, sous ces deux côtés, deux jambes par derrière, et deux bras, ou deux jambes ou deux ailes par devant. Sous les épaules, et entre les épaules, un cou qui tient par en bas à l'épine du dos, avec une tête par-dessus où il y a deux oreilles, deux yeux, un nez, une bouche et une langue dans une même situation. Tel est le tableau esquissé par Newton en termes un peu secs, qui rappelle par leur laconisme et leur concision la formule des théorèmes. Buffon va reproduire la même image, mais avec cette richesse d'expression et cette ampleur de style qui était le cachet de son talent, prenant, dit-il, son corps pour le modèle physique de tous les êtres vivants, et les ayant mesurés, sondés, comparés dans toutes leurs parties, l'homme a vu que la forme de tout ce qui respire est à peu près la même, qu'en disait quand le singe on pouvait donner l'anatomie de l'homme. Qu'en prenant un animal on trouvait toujours le même fond d'organisation, les mêmes sens, les mêmes viscères, les mêmes os, la même chair, le même mouvement dans les fluides, le même jeu, la même action dans les solides. Il a trouvé dans tous un cœur, des veines et des artères, dans tous, les mêmes organes de circulation, de respiration, de digestion, de nutrition, d'excrétion, dans tous enfin, une charpente solide, composée des mêmes pièces à peu près assemblées de la même manière. Ce plan toujours le même, toujours suivi de l'homme au singe, du singe au quadrupède, des quadrupèdes aux cétacés, aux oiseaux, aux poissons, aux reptiles, ce plan, dis-je, bien saisi par l'esprit humain, est un exemplaire fidèle de la nature vivante, et la vue la plus générale sous laquelle on puisse la considérer. Lorsqu'on veut l'étendre et passer de ce qui vit à ce qui végète, on voit ce plan, qui d'abord n'avait varié que par nuances, se déformer par degrés des reptiles aux insectes, Des vers oïophytes, des oïophytes aux plantes, et, quoique altérés dans toutes les parties extérieures, conservaient néanmoins le même fond, le même caractère, dont les traits principaux sont la nutrition, le développement et la reproduction, traits généraux et communs à toute substance organisée. Traits éternels et divers que le temps, loin d'effacer et de détruire, ne fait que renouveler et rendre de plus en plus évident. Ne semble-t-il pas que l'être suprême n'a voulu employer qu'une idée, et la varier en même temps de toutes les manières possibles, afin que l'homme pût admirer également et la magnificence de l'exécution et la simplicité du dessin. Ainsi s'exprime Buffon. Je n'ai qu'une rectification à faire dans tout cet admirable morceau. C'est à propos du passage où il est dit que le plan se déforme. Non, le plan ne se déforme pas, c'est seulement un autre plan substitué à celui-là, mais tout aussi parfait. L'erreur de Buffon vient de ce que, de son temps, on ne connaissait réellement que l'anatomie des animaux vertébrés. Aussi voulait-on rattacher à leur classe les mollusques, les insectes et les oophytes, qu'on appelait alors animaux à semblant, et qu'on nomme aujourd'hui animaux sans vertèbres. C'est Cuvier qui a établi le premier que les animaux sans vertèbres forment des catégories à part, ayant chacune leur plan spécial comme les vertébrés. Il n'y a donc pas un seul plan dans le règne animal, il y en a quatre, le plan des vertébrés, le plan des mollusques, le plan des insectes et le plan des oophytes. Chacun de ces plans offre, pour les espèces qui le constituent, un caractère d'ensemble et d'unité qui le distingue des autres plans. Mais Darwin, dominé par ses théories transformistes, a tout confondu, faisant passer de l'un à l'autre plan des êtres qui devaient rester isolés et distincts, et cela parce qu'ils offraient entre eux certaines ressemblances. C'est comme si, quand on compare un chalet et un palais, on soutenait que le palais a dû tout d'abord être chalet, parce qu'il présente, comme ce dernier édifice, des murs, des fenêtres, des portes, une toiture. Mais pourquoi supposer ces transitions de l'un à l'autre, au lieu d'admettre des constitutions primitivement distinctes? Où donc surtout a-t-on vu que l'analogie des formes implique forcément l'identité des natures et la communauté des origines? Mais patience, nous ne sommes pas au bout des surprises que nous ménage Darwin. Ainsi, par exemple, il est une formule qui, jusqu'à présent, avait eu cours dans la science à titre d'axiome, c'est celle-ci. Les descendants de tous les êtres vivants reproduisent l'image des géniteurs, et leur fécondité est la garantie de la conservation des types. Darwin a biffé cette formule d'un trait de plume, pour la remplacer par cette autre. Les êtres organisés qui se succèdent par descendance directe, loin de reproduire les caractères essentiels de leurs ancêtres, tendent au contraire à s'en éloigner. Que répondre à de pareilles énormités? Comment raisonner avec quelqu'un qui dit toujours « non » quand les autres disent « oui » et toujours « oui » quand les autres disent « non » Or, notez que les autres s'appellent ici Buffon, Cuvier, de Blainville, Flourens, de Quatrefages, ils s'appellent surtout l'observation et le bon sens. Me voilà donc tout dérouté. C'est que, s'il est une chose difficile à prouver, c'est précisément celle qui n'a pas besoin de preuves. Tout bien réfléchi, puisque nous sommes suffisamment édifiés sur l'unité de structure et l'identité de type des espèces créées, je ne vois rien de mieux à faire que de passer à l'examen des espèces elles-mêmes. Des espèces et des races, ce qui les différencie. Définition de l'espèce, définition de la race, Buffon, quelques exemples. L'espèce a pour caractéristique sa fixité, la race, sa variabilité, art des éleveurs, Darwin et ses pigeons, les hypogées d'Égypte, la cépède des Geoffroy Saint-Hilaire, ibis embaumé et ibis vivant, les chauves-souris de Monsieur Van Beneden, berceau et tombeau, flexibilité des espèces. Nous avons employé jusqu'à présent, pour la commodité du langage, les mots espèces et races indifféremment l'un pour l'autre, en cela nous nous sommes conformés à l'usage. Mais, maintenant qu'il nous faut préciser les choses, montrons qu'au point de vue doctrinal ils ont une signification très différente. On peut définir l'espèce, la succession d'individus semblables issus d'une paire primitive. On peut définir la race, la succession d'individus semblables issus d'une espèce primitive. Ainsi l'espèce est le point de départ, la forme mère, quand ensuite, au milieu des individus dont elle se compose, apparaît une variété, cette variété prend le nom de race. C'est ce qui ressort parfaitement de cette phrase de Buffon. L'homme a créé des races dans l'espèce des chiens, en choisissant et mettant ensemble les plus grands et les plus petits, les plus velus et les plus nus, etc. Ainsi le basset, l'épagneul, le griffon, la levrette, le bulldog et autres variétés, constituent les races d'une même espèce, l'espèce chien. Je dirais la même chose de l'espèce chat, dont les races varient à l'infini, depuis le chat de gouttière jusqu'au chat angora, la même chose de l'espèce mouton, dont la plus belle race est le mérinos, la même chose de l'espèce poule, dont la race cochin chinoise est une des plus estimées, etc. Il existe du reste peu d'espèces domestiques dont l'homme n'ait su ainsi façonner des races. On peut donc se figurer les espèces, dont le type originaire n'a pas varié, comme un de ces végétaux dont la tige est toute d'une venue et ne présente aucune branche, et, au contraire, les espèces à races plus ou moins nombreuses, comme un arbre dont le tronc se subdivise en branches, secondaires, en rameaux et même en ramuscules plus ou moins multiples. Ces distinctions outre les espèces les races ne sont pas, je le répète, de simples subtilités de mots, elles ont au contraire pour nous une importance capitale, en ce qu'elles sapent par sa base tout l'édifice élevé par Darwin. C'est ce qui va ressortir des développements dans lesquels il nous faut maintenant entrer. Il est deux grandes lois que nous devons tout d'abord bien établir, car elles donnent la clé de toute la filiation des êtres vivants. Ces lois, on peut les ramener aux deux formules que voici. Ce qui caractérise l'espèce, c'est sa fixité. Ce qui caractérise la race, c'est la variabilité. La première de ces lois est le correctif de la seconde. Ainsi on peut dire que, tandis que l'homme travaille, il crée des races, la nature s'attache à maintenir intactes les espèces. L'art des éleveurs ne saurait donc avoir pour but, car il n'a jamais pour résultat, de changer les caractères distinctifs des espèces, il ne peut qu'en modifier les touches et les tons. Il est vrai que, dans ses limites, on arrive à des résultats parfois fort extraordinaires. Veut-on, par exemple, faire disparaître un défaut, on croise pendant plusieurs générations des individus de la race défectueuse avec d'autres ayant les qualités opposées. Chaque nouvelle génération fait ainsi un pas de plus vers l'amélioration qu'on se propose. Désire-t-on, au contraire, développer certaines perfections, on croise entre eux les individus les plus heureusement doués à cet égard, on arrive à obtenir d'eux-mêmes des produits de plus en plus parfaits. C'est ainsi qu'en France Daubenton a créé la race des moutons Mérinos, en Angleterre, Backwell celle du bœuf d'Ishley, et les frères Collins celle du bœuf Durham. Enfin Sir John Sebright, le plus célèbre éleveur de pigeons que possède l'Angleterre, a pu écrire cette phrase, que semble traverser je ne sais quelle brise venant de la Garonne. Je me fais fort, en 3 ans de produire tel plumage qu'on m'aura indiqué, mais il m'en faut 6 pour façonner un bec. Voilà sans doute des résultats fort étranges, et qui prouvent que la chair elle-même peut être rendue malléable. Ce serait presque le cas de s'écrier avec le poète, « Rien n'est impossible à l'homme. Seulement, je ne saurais trop le répéter, cette puissance modificatrice que possède l'homme est toujours restreinte dans les limites de la race, et elle n'efface jamais complètement le cachet primordial qui est le propre de l'espèce. Qui le croirait? C'est à Darwin lui-même qu'on doit surtout la preuve de ce dernier fait. Ainsi il a démontré, de la manière la plus évidente, que les diverses races de pigeons domestiques ou sauvages, et il en décrit plus de 150, proviennent toutes d'une espèce unique, le biset, Colymbalivia, ce qui ne l'empêche pas de retomber presque aussitôt dans son éternel refrain de permutation et de métamorphose, et cela parce qu'il s'obstine à confondre l'espèce avec la race. Ainsi donc ce qui caractérise les espèces, c'est la fixité de leur type. Les nombreux fossiles qu'a reconstruit le génie de Cuvier, lesquels fossiles forment autant de familles distinctes qu'ils représentent de groupes, sont l'éclatante confirmation de cette loi. Nous en avons une preuve non moins évidente encore dans ces hypogées que nous a léguées l'antique Égypte, ce sont des collections merveilleuses, des musées véritables, qui ne le cèdent en rien aux collections et aux musées souterrains dont la paléontologie nous a dévoilé les trésors. Grâce aux pratiques de l'embaumement, usitées alors sur une si grande échelle, qu'en plus de l'homme on l'appliquait à tous les animaux sans exception, on y retrouve intactes des générations tout entières éteintes depuis des milliers de siècles. Note. L'opération de l'embaumement en Égypte était par-dessus toute une mesure d'hygiène. Si en effet on eût confié simplement les corps à la terre, n'était-il pas à craindre que le Nil, à chacune de ses inondations, ne ravina le sol au point de mettre à nu des détritus cadavériques qui, entraînés par les eaux, puis exposés à l'air, sous un ciel torride, dégageraient dans l'atmosphère des miasmes pestilentiels? C'est ce qui arriva plus tard, sous la domination musulmane, quand on eut substitué l'enterrement simple à l'embaumement. Il fallut toute l'énergie de Mehemet Ali pour forcer les fellahs à creuser des fosses suffisamment profondes pour mettre les corps à l'abri des atteintes du fleuve. Alors seulement l'Égypte recouvra ses conditions premières de salubrité. Fin de la note. Si, comme dans la Belle au bois dormant, ces générations pouvaient tout à coup sortir de leur sommeil et de leur tombeau, pour se mêler aux espèces animales actuellement existantes, elles formeraient toutes entre elles un ensemble tellement homogène, qu'il serait impossible de distinguer les aînés des cadets. Sur ce point, les recherches des modernes n'ont fait que confirmer les déductions tirées par Geoffroy Saint-Hilaire de ses belles et longues études dans les nécropoles de Thèbes, et que Lacépède résumait ainsi dans un rapport resté célèbre. Il résulte de cette partie de la collection du citoyen Geoffroy que ces animaux sont parfaitement semblables à ceux d'aujourd'hui. Le mot citoyen me dispense d'ajouter que ce rapport date de la première révolution. Cette similitude si parfaite, j'ai pu en juger par moi-même pendant mon séjour en Égypte, lors de l'inauguration du canal de Suez. Ainsi, en comparant des ibis embaumés, provenant de la grotte de Samoun, avec des ibis sculptés, tels qu'on les voit sur les obélisques, et des ibis pleins de vie, comme il y en a des légions sur le lac Manzaleh, je n'ai trouvé entre eux aucune différence appréciable, c'est toujours le même oiseau, aux formes gracieuses et sveltes et au port élégant. Or, ne perdons pas de vue qu'il s'agit ici d'une période de plus de 5000 ans. Enfin, on doit à un zoologiste éminent, M. Van Beneden, professeur à l'Université de Louvain, la curieuse observation que voici. Les chauves-souris, qui vivent aujourd'hui dans les grottes, sont exactement les mêmes que celles qui vivaient aux époques primitives. La comparaison est d'autant plus facile que les mêmes espèces, qu'on me pardonne le mot, n'ont jamais déménagé, de telle sorte que le berceau du nouveau-né se trouve tout à côté du tombeau de l'aïeul. Or, les chauves-souris se nourrissent toutes de la même manière et préfèrent les mêmes insectes, ce qui a dû amener entre elles, pendant toute une longue série de siècles, de formidables luttes pour l'existence. Si donc la théorie de Darwin est exacte, il en sera résulté des changements correspondants dans la taille, la charpente, la structure, dans tout l'être, en un mot, des dernières générations. Et cependant ces animaux ont si peu varié qu'ils sont aujourd'hui absolument les mêmes qu'aux époques où le mammouth et l'ours des cavernes foulaient notre continent. Ce que nous observons dans les chauves-souris, nous le constatons également pour toutes les espèces animales leur contemporaines, telles que, par exemple, les mollusques terrestres. Ainsi donc, ici encore, aucun fait ne peut être invoqué par Darwin à l'appui de sa thèse sur la variabilité des espèces par voie de transformation, par contre, tous les faits déposent en faveur de la thèse opposée, à savoir la permanence des espèces par la fixité des types. Toutefois, je me hâte d'ajouter que la fixité des types n'implique nullement la similitude absolue de tous les représentants de chaque type. Les espèces chez lesquelles cette similitude existe et se maintient dans sa pureté originelle nous montrent sans doute la fixité dans sa forme la plus saisissante, mais il ne faudrait pas en conclure pour cela que c'est la seule possible. Il peut survenir naturellement et à la longue certaines modifications des types qui, entretenus par les mêmes causes et transmises par voie héréditaire, créeront des races. Seulement ces races, nous le savons, ne prouveront rien contre la stabilité de l'espèce, elles attesteront simplement sa flexibilité. L'espèce se trouvera ainsi établie sur un plan beaucoup plus complexe, mais ce plan n'en restera pas moins toujours modelé sur le même type. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.